Chapitre 4e, ELFO, Centre international de conférences, mi-novembre. Alexandre Konstantinovitch Kozlov fut brusquement sorti de son sommeil par le bruit du ramassage des poubelles. Il chercha à tâtons le bouton de sa lampe de chevet, qu'il alluma. Il écarquilla les yeux en découvrant les murs décorés de fresques, la somptueuse décoration Renaissance et les fauteuils Louis XVI en bois doré entourant son énorme lit d'acajou à baldaquin. « Bon Dieu, où puis-je bien être ?» se demanda-t-il. Pendu à l'une des colonnes du lit, un peignoir portait un monogramme brodé « Hôtel du Lion d'Or, Elfo ». Le grand miroir mural lui renvoya le reflet de son visage terne et chiffonné. Il avait pris un sacré coup de vieux depuis l'année précédente. Il n'aimait pas qu'un miroir lui rappelle qu'il venait d'atteindre la soixantaine. Un regard bleu éteint, des joues mal rasées, des tempes où se glissaient des cheveux gris, des épaules tombantes. Ses collègues féminines lui répétaient que ses tempes poivre et sel augmentaient son charme intello. Kozlov savait donc à quoi s'en tenir. Renonçant à se recoucher vu l'heure, il prit un bon bain chaud, se rasa et s'adonna à sa séance de tai chi. Il se concentra sur sa respiration. Il aimait la méditation et le sentiment de détachement que requérait l'extrême précision des gestes pour exécuter des mouvements continus et circulaires. Son passage de 3 années comme attaché culturel à Pékin avait fait de lui un adepte de ces voies de spiritualité qui permettaient à leurs pratiquants d'apaiser leur mental, d'améliorer leur concentration et d'entretenir la vivacité de l'esprit autant que celle des sens. Son enfance dans un pays où l'athéisme était la norme l'avait à jamais éloigné des religions constituées. Même s'il percevait bien tout l'intérêt politique pour le peuple russe de redécouvrir et de conforter son identité orthodoxe, il ne voyait cependant pas d'un bon œil la résurgence des discours politico-mystiques tenus par le président Popov et les députés du parti au pouvoir. Interrogé plus d'une fois sur cette distance qu'il maintenait par rapport au renouveau religieux de ses compatriotes, il avait coutume de déclarer « J'ai toujours préféré un bon havane à l'opium du peuple ». Mettant ainsi les rieurs de son côté, il faisait tourner court à ce type de discussion qui le rendait mal à l'aise et qu'il ne goûtait guère. Parfois on insistait. C'était généralement des femmes. Alors ses yeux se figeaient dans le regard de l'inquisitrice et il ajoutait « Définitivement, madame, je suis plus cigare Monte Cristo aux bouteilles de Lacrima Christi que petite hostie et Corpus Christi. » Le regard, le ton, le sourire suffisaient à clore les échanges. Alexandre Kozlov était fin prêt. Le choix de la coupole d'Elfo-Vizerne, relativement méconnue du grand public, lui était apparu comme une évidence, étant donné le sujet du séminaire de cette année-là sur la Seconde Guerre mondiale. La carrière de craie d'Elfo-Vizerne, fortification naturelle la plus proche du plateau d'Albion, située à environ 200 km de la capitale anglaise et à 5 km au sud de Saint-Omer, était apparue à l'époque aux nazis comme le site idéal à l'installation d'un immense bunker. Son édification nécessita la réquisition, entre octobre 1943 et juillet 1944, de 1300 ouvriers russes renforcés par de jeunes Français raflés dans le cadre du service du travail obligatoire, le STO. Les prisonniers trimèrent 24 heures sur 24. Suite à l'attaque des Alliés contre le blockhaus des Perlec, le premier emplacement choisi, Hitler décida de construire cette forteresse consacrée à sa nouvelle arme de pointe, les V2, Vergeltungswaffe 2, fusée développée sous la direction de Werner von Braun. Ces engins étaient destinés à la destruction de Londres. C'est dans ce site chargé d'histoire que se trouvait Alexandre Kozlov, venu assister à une conférence visant à montrer qu'aux États-Unis, un petit noyau d'activistes, artisans directs de la Shoah et complices de la solution finale, continuait l'œuvre des nazis. 3 hommes, 3 générations et 3 visions étaient présents pour ouvrir les yeux des participants sur ces secrets les plus sombres de notre temps. Après Robert Langdon, le professeur de symbologie qui intervenait le matin, le célèbre chasseur de nazis Ezra Lieberman passait l'après-midi. Le géopoliticien Viktor Ilitch Leonov, ami de Kozlov, planchait en soirée. Quelle ne fut pas la surprise de Kozlov quand, rejoignant Leonov dans sa loge pour lui signaler son arrivée, il le vit plonger sur sa montre. Il se souvint que c'était en touchant sa toquante que son ami évacuait le stress. Il caressait les lamelles dorées du bracelet comme un prêtre égrène son chapelet. Leonov tenait comme à la prunelle de ses yeux à cette breloque léguée par son grand-père. C'était une polyote Sturmanskie, en tout point identique à celle que le grand Youri Gagarine utilisa lors de son premier vol dans l'espace. À cette occasion, elle montra sa capacité à fonctionner dans des conditions extrêmes, grâce à un mécanisme sans faille. Pour moi, elle prouve que les Russes ne font de grandes choses que lorsqu'ils prétendent tutoyer les étoiles, lança-t-il. Iconoclaste et provocateur, disait de lui l'intelligentsia parisienne lorsqu'elle parlait de Léonov. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il était devenu en France une popstar universitaire, selon le mot du journal Libération. Brillant jeune chercheur de la prestigieuse université Limonosov de Moscou, Victor Léonov fut recruté pour enseigner la géostratégie à l'université de Paris-Dauphine, où il obtint une chaire de plein exercice. Ses conférences, qui au début ne concernaient uniquement qu'une poignée d'étudiants, finirent par être prisées par toute la jeunesse politisée de la capitale. Des élèves de Sciences Po séchaient les cours pour l'écouter, les étudiants de la Sorbonne faisaient la queue pour être admis comme auditeurs libres. On y croisait même quelques énarques. Les exposés de Léonov tenaient davantage du show de télévangéliste américain que de la soporifique litanie d'un pont de Kakoshim des universités. Il s'installa à Paris où il fit connaissance de Koslov, qui lui suggéra de participer à des colloques pour diffuser ses idées. Cette année-là, Léonov avait candidaté à une série de séminaires en dehors de son université de rattachement. Il n'avait cependant pas prévu de se retrouver dans ce lieu chargé d'histoire, face à un public aussi averti et exigeant, quand il fut contacté pour intervenir à la coupole d'Elfaux. Il prenait cette invitation pour une occasion extraordinaire de mettre en valeur ses thèses. Il savait que sa prestation ferait grand bruit, vu l'importance du battage médiatique. Il avait donc mis un soin particulier à la préparer. Il était au point. Léonov fut ému de voir Koslov à la porte de sa loge. Il ne l'attendait pas là. Il le pria d'entrer et s'empressa de lui annoncer que, le sachant présent, deux anciens camarades étaient venus, chacun avec une collègue, assister à la conférence. Il lui indiqua que s'il était libre, tous les six pourraient se retrouver le soir même autour d'un bon repas. Koslov, honoré, accepta avant de filer vers la salle de réunion. En regardant l'immense foule faire la queue pour assister au débat, Koslov prit conscience de l'intérêt porté au thème choisi. La grande salle sous la coupole était bondée. Eu égard à son titre, à ses 60 ans et à ses cheveux blancs, un fauteuil l'attendait au troisième rang. Léonov, tout au long de sa conférence, la dernière de la journée, se montrant très convaincu par des penseurs dont il cita les noms, soutenait la thèse qu'avec la complicité des Américains, l'Union européenne préparait l'avènement d'un quatrième Reich. Si l'auditeur veut prendre connaissance des grandes lignes de la conférence, qu'il consulte les archives du Kremlin en annexe au document A. Le géopoliticien remarqua que l'ambassadeur de la Fédération de Russie Koslov, qui avait trouvé place non loin d'une longiligne et pétillante étudiante solidement campée au beau milieu de la travée centrale, buvait ses paroles. Touché, il poursuivit en indiquant que recyclé par une administration américaine obsédée par le péril communiste et l'ogre russe, certains activistes réussirent à suborner et à contrôler cette même administration. Reconnecté dès l'aube des années 1950 avec la mère patrie, ils poursuivirent le grand œuvre de Hitler, visant à mettre les USA à la tête d'un empire qui devrait durer 1000 ans. L'Allemagne devenant la fille aînée de l'Amérique à la place de l'Angleterre et le barycentre des États-Unis d'Europe. Il conclut. En 1955, ce furent 760 scientifiques allemands qui obtinrent la citoyenneté américaine. Forts de ce sésame, ils occupèrent les 10 années suivantes les plus éminents postes au sein des universités et de la communauté savante américaine. Beaucoup avaient été des membres actifs du parti nazi ou de la Gestapo. Beaucoup avaient mené des expériences sur les êtres humains dans les camps de concentration. Beaucoup avaient réduit leur proie à l'esclavage. Peu furent reconnus comme auteurs de crimes contre l'humanité. Sur ce constat pessimiste s'acheva la prestation de Victor Léonov. L'assemblée, qui était passée de la stupéfaction à l'incrédulité, salua d'un tonnerre d'applaudissements le géopoliticien dont l'exposé clôturait cette riche journée de débat. L'ambassadeur Alexandre Koslov se leva, se vêtit et alla retrouver comme convenu son ami dans le restaurant qu'il lui avait indiqué. Lorsqu'il pénétra dans la pièce, il vit, attablé, un quadragénaire au physique de videur, sur lequel était posée une tête blonde et bouclée au regard d'azur d'un ange de la chapelle Sixtine. C'était Victor Léonov, entouré de 4 personnes de sa génération. Koslov reconnut immédiatement Arkady Petrovitch Makovozov, 40 ans, architecte de génie. Physiquement, il restait le même, trapu. Quoique ce fût un garçon blond aux yeux bleus, Il avait toujours son air tapageur que l'on prenait pour de la vivacité ou du courage. Avec 3 cailloux et 2 trombones, il était capable de faire un gratte-ciel. Il venait d'achever une tour monumentale aux Émirats arabes unis. « Bonsoir, Arkady, » lui dit Koslov. « Comme je loge à Moscou dans le Kotelniki, l'immeuble résidentiel longeant les berges de la Kotelnichetskaya, je songe souvent à toi, le maître d'œuvre de la modernisation du quartier. Bravo pour le prix Pritzker. Tu as bien mérité que te soit proposé de concevoir le programme de réhabilitation des 7 sœurs, les gratte-ciels qui dominent la ville. Heureux de te revoir. Merci, Alexandre. Le plaisir est partagé. Permets-moi de te présenter la criminologue Marina Alexeyevna Pavlova. Elle est directrice de la cellule antiterroriste du Kremlin. » Koslov esquissa une révérence pour répondre au salut de la brune et ténébreuse quadragénaire, dont il connaissait la réputation d'incorruptible. Elle avait les yeux gris, d'un gris azuré, qui rendait étrange l'expression, le nez mince, les lèvres fortes, le menton un peu charnu, une figure irrégulière et séduisante, pleine de gentillesse et de malice. Elle avait longtemps coordonné, en tant que lieutenant-colonel de police, le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins de l'administration présidentielle, TRACFIN. C'est alors qu'Andrei Alexeyevitch Gouyelev, la quarantaine, sorti passer un coup de téléphone, réintégra le groupe. En voyant Koslov, il ne put retenir son enthousiasme débordant. « Comme je suis content de te retrouver. Dès que Arkady m'a dit que tu assisterais à la conférence de Victor, je lui ai proposé de faire un saut ici, à la Coupe Delfo-Vizerne. » Andrei Gouyelev était un démographe plein de talent, patriote, membre du courant vieux ritualiste de l'Église orthodoxe. Il était de taille moyenne, le buste long, les jambes courtes, la maigreur des gens soumis à un régime drastique, une large tête bleuâtre sur l'œil droit, des cils collés, les paupières blêtes, des cheveux sans teinte précise. Il avait été un temps pressenti pour être député à la Douma, l'Assemblée nationale russe. Il eut le bon goût de refuser et de rester en marge des mouvements activistes d'extrême droite qui avaient pourtant fait des pieds et des mains pour le récupérer. Koslov avait lu avec intérêt ses livres sur les défis démographiques de la Russie en lien avec le panslavisme. Arkady Makovozov stoppa l'excès de fougue d'Andrei Gouyelev en lui demandant de présenter à Alexandre Koslov la personne qui l'accompagnait, l'ethnologue Olga Valerievna Gourina. C'était une jolie blonde de 35 ans. Elle arborait un petit visage clair aux yeux finement bridés. De lourdes boucles soyeuses et lumineuses encadraient ses joues. En la voyant, Koslov revint 40 ans en arrière, à l'époque où sa femme, archéologue comme la mère Olga, avait entrepris, en tant qu'étudiante, des campagnes de fouilles dans diverses parties du monde. « Mon épouse a connu votre mère quand elle avait 20 ans, » lui dit-il en la saluant. « J'ai une fille qui a environ votre âge. Elle est traductrice dans le pool du président Popov. Elle s'appelle Xenia. Elle est mariée avec le lieutenant-colonel Ivan Kirillovitch Kuznetsov, chef d'état-major adjoint auprès du premier ministre Kozakov. Je sais que votre père occupe toujours sa chaire de physique, et votre mère celle d'archéologie. Et vous ?» Olga, honorée de ce passé qui l'unissait à Alexandre, rétorqua. « Je suis déléguée permanente de la Russie auprès de l'UNESCO, depuis l'an dernier. » C'est alors que fut servi le premier plat. Le repas commença. Au cours de l'agape, Koslov indiqua aux convives qu'il préparait un rapport sur l'avenir de la Russie. Ce travail lui coûtait beaucoup de temps et s'accommodait mal avec sa fonction d'ambassadeur. Soit il prenait des vacances, cela était inenvisageable, soit il démissionnait. Cela était une décision à longuement méditée car lourde de conséquences. Soit il abandonnait son rapport qui était envoyé un mois plus tard, courant décembre, à la présidence. C'était ce vers quoi il tendait. Quand arriva le moment de se séparer, chacun autour d'un digestif, on promit de rester en contact et de se revoir au plus vite.